pas la guerre. Viens, on fait l'amour, nous deux jusqu'à la mort. J'ai des soucis de santé, j'pense même plus à chanter. Mais j'aime pas te voir pleurer, ton visage m'a hanté. Ils m'ont blessé mon petit cœur. J'te serre dans mes bras, ouais, quand tu dors. J'aime bien quand ils croient plus en moi. J'ferme des bouches comme tu dors. Chauffeur, il voit plus le panneau. Ah, pas de Louis Vuitton, c'est la street qui dort. Moi, j'suis pas le président, trop de fous, faut que je m'achète un bidon. Mon bateau, à Salto, ça fait des saltos. La sacoche, le magot, fais une prière pour moi quand j'ai la guine. Ah. Là, j'ai plus.